Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Stand before the Lord of Song. copie non conforme. Mellow Yellow est une chanson de Donovan sortie en single fin 1966. Ce sont les Belges de Who You Say qui interprètent la cover. I'm just mad about Saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about Saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. You want your cup, I will fill. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite right. mellow yellow. Right, right. They call me mellow yellow. Les Lyonnais de Uptown Lovers ont repris Roxanne de The Police, sorti en 1978, qui figure sur l'album Outlanders d'amour. You know my mind is made up. Copie non conforme. On écoute maintenant le titre Drive de The Cars, paru en 1984 sur l'album Heartbeat City. La cover est interprétée par l'américaine Soxer Mommy. Thank you. Non conforme. Pour terminer cet épisode de Copie non conforme, ce sera une chanson française d'Adamo, Les filles du bord de mer, que l'on écoute aussi chantée par Arnaud. Autant si clair, elle avait l'âme hospitalière. C'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin. Il y en avait une qui s'appelait, c'était vraiment la fille de mes lèvres. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut.

Era sur les bords la mer du Nord. Elle sera mise à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondaine, sinon elle devenait malingre. Puis un beau jour j'en ai eu marre. C'était pique la mer à boire. Je l'ai refusé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. C'était chouette les filles du bord de mer. C'était faite pour qui savait leur plaire. A plu? Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut!